Bonjour Gina, merci Kourebandi. Oh, depuis Lubumbashi, c'est qui ça? Oh, depuis Lubumbashi. J'ignore, depuis Lubumbashi. Merci. Ça va chez vous? Voilà. Merci. Merci pour Nako Zaravana. Merci de votre présence. Je suis venu juste rapidement tout sur la mouquet parce que j'ai remarqué qu'il y a, il y a une histoire. Ezali Kozwa en plaire. Il y a. Il y a. Bah, il y a c'est-à-dire que Banana Bissou au Bazali Kotanga. Bazali kokota na kati et ndenge na lobakango deux fois tokoyi ko déformer makambo mususu o etali vie sociale na biso mais ce qui est commis makambo ya bana o bazali kotanga bana classe il y a pas opposition, il y a pas ennemi, il y a pas adversaire, il y a juste pour expliquer science ndengezali, pour expliquer bananabiso. Parce que ce qui tozali koyana lokuta mingi na makambo na biso, surtout au étali bana classe, ezali mabe, tozali koinduire ba en erreur. Et comme naebisa kabino toujours que ce qui tozali kosala ba live, il y a toujours ba étudiants ebele balandaka biso. Et tant tozali koloba, bazali konoter. Oui, bazo mona ke ezali important pour na bango. Alors, yango na lobi, na ya, moi, minute mouke, na meka un peu, kui expliquer situation. Parce qu'il semblerait que chez nous, il faut qu'on expliquer les kambou moko, même 10 fois, 20 fois, il faut qu'on expliquer. Les gens semblent comprendre, mais par la suite, on a remarqué dans la réaction na bango que Zali va comprendre. Alors, Zali, tu peux blâmer Bango, et ça, c'est un mingi ndengwana. Donc, même dans le cas auditoire, les étudiants, ça va comprendre, na ka mbala moko te. Ils va comprendre, na en retard, ils va comprendre, peut-être après une année. Cours, c'est le cas déjà. Donc, après une année, 2 ans, ayez au comprendre. Et ça, alors, naïe, excusez-moi, Nazali vraiment occupé, Nazali quelque part, et Kakapona Misala ya monde, Nazali quelque part, moyen tout ça là-bas, live, Nabiso Siko Ezate, et Nazali Peko. Comment mouke pour un live n'a plus à 3 heures et tu remarques que live n'a plus à 3 heures peut-être qu'on soit 3 heures et qu'on soit même 5 heures alors tu allez qu'on s'imaginer est-ce que tu kabula yango deux parties il y a 2 heures 2h30 2h30 tu es bien mais en tout cas et qu'on s'alimente toujours n'engue tu promets qui yango et voilà, aujourd'hui, ce qui peut être le titre Nabiso Awa, Tokomi, association Naba Impo. Boyebi que Nabimaki na vidéo Nabiso Oelekaki, j'ai expliqué Nalobaki. Sur l'association Nabiso et Congolais. Et ça, Nabiso et Congolais, mais il y a Batumusu Pézali, mais pour Nangaï, ce qui me concerne, ils allaient l'association Nabiso et Congolais. Et Nalobaki, que l'association Nabiso, Oyo, Nazana, document na Bango, ils allaient l'association Oyo. En réalité, ils allaient respecter la norme, il y a Bamboka, la vendité. Nazwaki un exemple ya pareko n'explique qui mais na yo comprendre que na kati ya bande konabiso ya pareko ce que l'andi ma présentation à Bango, ce sont des gens qui ont quand même étudié, mais n'amoni ba réaction, parce que il faut le dire, n'amoni ba réaction, il y a secrétaire général, il y a Pareco, n'amoni ba réaction, il y a Batumsusu, il y a Pareco. C'est comme si Bango pendenge mokolo kola batu de la rue, batu ya balabala qui ne comprennent rien. Alors, il faut qu'il y a quand même, parce que étudiants ébélé, étudiants congolais, bazana ils notent des choses. Alors, moko, même la chose ne vous arrange, ne vous arrange pas. Bon, vérité, hein? Il faut dire la vérité et que ça m'a bêté. Congo, ils ont beaucoup moko batu, même bazali ko sala mabe, baboya kondima mabe. Pourquoi tous à la Alors, Nalobi Nakoya Lissousou, parce qu'il y a des gens qui ont intervenu dans le forum Ebélé, na yebite soki na koyoko cité, ben non, mais ça ne dérange pas pour Nangaï, parce que ce sont des gens qui sont venus éclairer la situation. Na monin de Konabiso Eric Molalou, qui est rentré dans l'isolo où il y a association na ba impôts ba taxes et puis ndeko mususu na bosani kombo na ye avec Eric Molalou ba meki ko éclairer la situation et mais vous allez remarquer que batu ya pareko quand ils viennent bazoya na argument te bazoya pona ko finga bazoya pona ko finga donc na lobakango moi je l'ai dit monsieur Mbanda vivant na ibisa ki bande kwa pareko na réunion est-ce que au juste je me retrouve dans une réunion il y a IDPS ou bien réunion il y a résistance parce que les gens de la pareko baza intolérant moko na ndenga osakanati plus même que bato IDPS baza ben intolérant et injure na monoko na bango alors bozomona bandeko vous voyez comment est-ce que Nazali salir ou injurier ngai, mais ça, ce n'est pas un problème. Et ça, le problème, c'est parce que quand j'ai choisi Yakoya na résistance, na yebaki, que na okoutan avec des antivalères, na okoutan na bango, et argument na bango, ils allaient juste m'insulter Yandengwana. Na yebaki yango, je me suis préparé en conséquence. Alors, bon, c'est dérangé pour na yangoti. Ce qui importe, ils allaient makambo autre, ils allaient koloba. Alors, mes chers amis, n'ayez que remarqué que incompréhension est allée épeler. Argument bande konabiso ya pareko na kolobelango clairement secrétaire général na bango et il faut boyer batu bazo la nangana na ba inbox je vis batu msusu ya pareko na zoye bate il y a combien d'appareko maintenant mais sur ce que ngana yebi oyo na zana ngo ba pareko si kweza mibale. Et ça problème na ngate na yango lobela awa ba pareko eza mibale ce qui na zo lobela ango c'est parce que na zo mona un groupe ya batu mso ya pareko qui viennent une box pour bayebu sangai mais ndenge ni no zo lobela pareko mais batu wana ba zo mona batu ya pareko vous prenez par exemple na koyi ko bomba te vous prenez par exemple les groupes mso ya pareko ndeko na biso madame Marie Sylvie Marie-Sylvie, je pense, Marie-Sylvie Olonja, je pense, c'est ça. Azali nommé secrétaire général et à Pareco. Mais quand vous voyez ce qu'elle écrit, même Batou Oyo Bazali ko insulte Ngaï, na forum na ye, soit na page na ye, Batou Bazali ko ya, ko insulte Ngaï, ba insanité. Ye koutou azo salanini, azo linga yango, like, azo like, azo like. Ce n'est pas un problème. Madame Sylvie et Sika Vandi Ayebi qui je suis. Ayebi. Et Zalinde Moutema Mabe Ayebi qui je suis. Et Zala chef Naye Okeke. Ayebi qui je suis. Alors, quand vous laissez Vani pied, Baye na poste na yo, Baye Sika, Yo Zali qui m'insulte, Bako Yikoya avec des arguments, ça ne pose pas de problème. Bako Yikoya pour nous contredire Ngaï. Ça pose pas problème. Mais quand vous allez ko tika batou, vous allez ko finga voir même ma mère, oyo ba yebite. Et vous comprenez déjà, c'est quoi ça la parico? Alors, je demanderai à Bato parico qui se sente que Bazali concerné dans cet parico, parce que beaucoup de musicaux des groupes, et quand même, il faut beau bimaka pour dire que non, cet parico-là, ce n'est pas la vraie parico. Il faut beau bima. Alors, bozo zera bakunda, bolo baki bakunda, tozo zera bakunda. Alors, il faut beau éclaircir Bato. Qui vous êtes, à part quoi ils allaient wapi, au juste. Parce que Bissou, Nathan, vous allez aller qu'il y a qu'on paie ça droit de réponse. Bissou, il faut que on parle de quel appareco. Parce que comme il m'y balait, il y a l'appareco.com, il y a l'appareco.fr. Alors, ce n'est pas un problème ici. Le problème, c'est que dans l'association de Bissou, il y a un bel dans le monde. Il faut qu'on y ait que Asbel, ba ONG, dans le monde, ils allient plus de 40 000. Dans le monde, Mobimba. Plus de 40 000 ba associations, il y a des gens, ONG, il y a des gens. Donc, ils allient plus de 40 000 dans le monde. Alors, tellement. Asbel, association, on a nionso, ONG, sokotak botali malamo, moussala basalaka, ezali juste moussala moko habite non lucratif. Ça signifie quoi? Bazouaka mbongote, baloukaka profite, voilà. Baloukaka profite, na moussala na bangoke, bazoua mbongo, basomba marchandise, bateka yango, pour bazoua profit. Biloko wana ezalaka na bit non lucratif. Alors, ba l'état ya mokili mobimba, ba yai ko remarke que, mais pourquoi bato oyo bazali na musala moko a bit non lucratif, bazali ko luka intérêté ya mbongo, même bazali ko sala musala peut-être pour na communauté, pourquoi bato oyo il faut ba futa ba taxe? Bato oyo ba koyiko futa ba taxe te. Alors, l'État maintenant, dans le pays est belé, oui, en réalité, le défenseur, il y a une communauté, il y a une communauté, il y a raison que il faut une taxe. Il y a un certain moment, l'association, l'ASBEL, l'ONG est belé, il faut une taxe. Bandeko, s'il vous plaît, bolandanga bien. Ce qui bat toi pareil comme vous allez avoir bon l'andangaï bien. Madame Sylvie, Marie-Ange, Marie-Sylvie, l'andangaï bien. Association. Vous allez exonérer ou exempter na kofuta ba taxe et puis vous allez déclarer ba taxe na bangote, na bamboka et belé. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Et y a qui koleka à un certain moment que. Batwe belé ya mouté mama B. La population, les citoyens qui ne veulent pas payer des taxes. Ba organisation est belé. Oyo basala kambongo. Ba entreprise est belé. Oyo basala kambongo. Yandenga malam ou nandenga ma B. Ba koma ki kwe évite. Ba futa ba taxe te. Ba déclare ba mbongo na bango te. Bo landanga bien, s'il vous plaît. Ba pe belé ba koma ki ba individu ba entreprise ba compagnie ba te belé ba commerçant ba businessman ba koma ki que ba koma ko bomba ba mbongo na ba pays o bazali ko opérer ba futa ba taxe na bangote ba déclarer ba importer na ndeke ba façon mibale ezali na ba mboka mususu. Ba entreprise, ba individu, ba senga kana l'état, ba réduire ba taxe na bango. Po nani? Parce que bazali ko pesa ba don. Ba yai ko loba histoire awa ya Jos Soros, ba tolokona ba Jos Soros, ba koma ki ko devie ba mbongo, ko bomba ba mbongo, ou bien ba futa ba taxe te nandenge ni. Ako zwa mbongo na ya zana ngo, ou peut-être azwa kana ndenga malamu ou nandenga mabe, alongoli une partie a pesi don na ba Asbel na ba ONG oyo bazali ko aider la communauté na monde apesi le col la don soki apesi don agi ba preuve wana ke nga na salisi organisation oyo bazali ko lité par exemple pour na basi pour na droit ya basi alors ya kozwa ba document wana akeyi nango na autorité fiscale ya mboka na ye a présenté ba document wana pour azwa réduction ya taxe. Na kopesa bino exemple, même si bande kona biso balingi bonga inga ite. Nazala donateur na HR ya mboka Kore. Entre 2012 na 2014. Nazala donateur na HR ya Kore. Entre 2012 na 2000, non, 2012 na 2016. Ezwa ngai 4 ans, nazala donateur. Alors, qu'est-ce qui se faisait? Nazwa ki un montant, na bandeye kopesa na HR ya Kore, chaque sanza, na bandeye kopesa lokola $1,000, l'équivalent de $1,000 américains. Et en retour, HR ya Kore, ba bandeye kopesa nga reçu pour na taxe. Ba pesi nga ke non, nga nazo pesa, nazo salisa HR na mbongo. Ba pesinga reçu wana pour na taxe na fin de l'année er nazo ko déclarer taxe na ngai nazo tcha reçu wana ya HR ezali kaka HRT ezali ebele moyen to tanga ba kombo ezate alors o ko remarquer que na tango l'état zo calculer ba taxe na ngai oyo il faut peut-être na futa ou bien bango bazongi sela ngai ce qui revenir na ngai ezali ya se vous ko remarquer une réduction parce que nazali donateur na oyo ba bengi INGO international NGO ou ezali HR ezali ONI ezali ONG en réalité. Alors, taxe Rosala réduit parce que na pesa ka mbongo quelque part. Le ko la batu ba pesa ka na orphelin, batu ba pesa ka na ba maison ya ba vieillard, batu ba pesa ka voilà. Donc, okozwa ba document wana pour o pesa na l'état, na tango zo déclarer ba impôt na yo, moi ba réduction e kozala. Alors, deuxième façon. Batu oyo bazali na bambongo ebele, ba entreprise, ba individu. Po baki ma fisc, po baki ma kofuta ba taxe, basala kandenge ni. Bakenda ko bomba na nasima ya ba Asbel, bakenda ko bomba na nasima ba ONG, bakenda ko bomba na nasima ba association. Okomona in association par exemple, musala nango ezali po na kosalisa ba orphelin par exemple. Au moment la capital na bango, c'est un exemple que je donne. Capital na bango ezali par exemple $100,000, mais au moment na bato bazali na motema mabe pour ba déclarer ba mbongo ya mabete, ba yeko coopérer na bango. Que non, ngai na lingi na lekisa mbongo na ngai, par exemple na France, soki na zui mbongo wana na chindi na western e okindete na kufuta tax, soki na zui mbongo na tche na poche na sac na nga na avion, na bako kanganga na kufuta tax. Alors, bino lokola bozali ba Asbel, association, bofuta ka taxe te, bozwilanga mbongo oyo na compte na bino, bomemelanga ango na Congo. Ba l'état ba mboka ebele ba yeko remarquer que ba blanchissement ya mbongo d'argent e ba nayi ko salema na ba association oyo bato bazali ko sala parce que en réalité na ba mboka ebele ba koyi ko futa ba taxe te. Bako yiko deklare ba mbongo na bango wana. Non, bako yiko ko deklare ba impote na fin ya ne, exercice fiscal. Alors, l'État maintenant, na ba organisation ya ONI, ba yiko loba, bato amite mama be, bazali ko bimela na nzela ya ba Asbel, bazali ko bimela na nzela ba ONG, bazali ko bimela na nzela, ezala bato ba tchela ka bato bambu mama be, boyebi bato yo, oyo tozali ko lite kontre bango na monde. Po ba lekisa ba mbongo na bango, ba lekisa ba mbongo na ba Asbel, ba lekisa ba mbongo na ba ONG, ba lekisa ba mbongo na ba association. L'État si kwa yiko lo baboye, ba l'État ebele, y compris la France, qui lutte contre le terrorisme, qui lutte contre le blanchissement, il y a beaucoup de monde. Baye ko lobaboye. Soko salisi association na yo, Asbel na yo, ONG na yo, koti sanano demande ya koopere na mboka ozali na l'État. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut ko déclarer ba état financier na bino mikolo, mikolo nyon sote, mais chaque année, ou bien ba mboka msusu, par mois, bon, comme ça, par trimestre, mais en tout cas, pour les cambous, la exercice fiscal, pour déclarer l'état financier na bino. Moi, je pense que, bandeko o bavay na mboka France, ndeko Eric Moulalou l'a expliqué clairement. Mais la pareko qui m'a répondu, qui me répond, bazali ko tchabande koner rare ya makas ya koloba kena voilà biso tozali asbel apareko ezali asbel to futa ka ba to déclarer ka ba impoté mais dit ko apareko so ke ezali asbel bo futa ka bo déclarer ka ba impoté ça ne vous interdit pas ya ko déclarer ba état financier na bino na l'état français ezali yo mokote okoso to proclamer okoso autodéterminé que ngai nazali asbel na ko futa na ko déclarer impoté non c'est l'état muto ko déterminé que oui mikando ko tsaki statut na bino yango yo mikanda na bino ndenge bo opera ka yango yo bambongo na bino source côté côté la ka yango yo ba état financier na bino yango yo ba ko remarquer que ba donation bambongo ndenge zali ko ya ba source ya bambongo zo uta na banani Mbongo oyo bozali kozwa ezali kokende na misala nini et à ce moment-là l'état si kwa koloba oui bozali asbel en réalité ndenge tomoni beta financier na bino ndenge bozali koopere vu ba statut na bino vu ba loi na bino bokoki ko déclarer ba impoté mais soki ba moni ba mouvement beta financier ba mouvement moko suspect ba koyebi sa bino non mbongo boye ezali taxable Mbongo boyezali imposable. Mbongo boyezali, il faut déclarer yango. D'abord, nyonso wana, il faut déclarer. Il faut déclarer. Ezate o lali kakabo yo la moki na tombo, yo na mwasi na yo, yo na ba kamarad na yo, bo sali asbel, bo lobi bo o eza asbel, bo bengi se batu bakota, batu bakoti, oke okay, na leta, o kitsi kaka statu na yo po ba permetre yo opere, et c'est tout, na kati kuna ba mouvouma ya bambongo nege zo tambo la, leta zana droa ko yeba ya ngote, o zali na obligation moko ko deklare ya ngote, Et par la suite, on l'a dit, non, on a Asbel. Non, c'est l'État qui détermine que yo, Ozali Asbel, oui, dès que tu as moni boye, ba mouvement oyo, au koki ko déclaré impoté, ba ko pesa yo papier. Alors, ces papiers-là, l'État ba ko pesa yo. Voilà, et si kat Ozali, ba ndeko na biso oyo ya pareko, ba zali ko induire, ba ton abiso n'erreur. Vous verrez des gens, gana sali 30 ans en France, gana sali 40 ans en France, de la foutaise. De la foutaise. Voilà Moussala Ndenge Salamaka na niveau yaoni. Bondi Mayango, Bondi Maté, c'est votre problème, je m'en fous. Nazala, Oyoba Bengaka, Steering Committee. En français, Steering Committee, c'est quoi? Bon. Oyo Ezali, UN, Non governmental liaison service steering committee member. Donc membre ya bureau directoire ya bato oyo bazali na liaison entre ONI na société civile ya monde na zala parmi les 9 bureau directoire wana na zala parmi les 9 de 2014 Tina 2019. Ezali manda ya une année renouvelable. Banda 2014, Tina 2019. Moussala na biso ezali nini. Oni ezali association ya ba eta ba mboka Congo, États-Unis, Canada, France, ba mboka ya Oni. Oni ba yeko remarquer que à un certain moment ba décision bango bazali kozwa po na monde ezali penza ko refléter réalité sur le terrain te. Ezali ko refléter volonté ya ba mboka ya ba eta. Lokola Félix gouvernement na ye soki balingi kopesa rapport na ONI na likambo songolo lokola ba massacre ya Beni bakopesa penza exactement makambo ndenge ezoleka te, bako arrange rapport wana ebima kitoko mpona pouvoir na bango mpo bakondane bango te. Mboka lokola la Chine manigance ba rapport na bango sur les droits de l'homme, mboka lokola Congo, mboka lokola ba Corée du Nord. Alors, ONI baye ko remarquer que bon, biso siko to moni to associé la société civile du monde. Société civile les ali banani yo ngai ba Asbel, ba ONG, ba to oyo bazali ba membre ya l'état te na bamboka na bango. C'est la société civile, l'église par exemple. ONI a lobby bon, to associé ka bango na ba décision nyoso to banda kozwa. Mais baye ko remarquer que ce qui est au lingi to yoka société civile. Banani batu bako invité bango po ONI biso ezali ba bamboka ba eta. Est-ce que bokoyi kosuyebisa Congo Félix apo na ba congolais ya société civile ya Congo ba ya koloba na ONI po na ba souffrance ya Congo, po na bato ndenge bazokufa na Congo, po na kaya minembwe? Non. Félix a kosala nini? Félix a kende ko pona bato oyo ya ye, ba ya koloba pona ye. ONI a lobi bon, to tcha service moko na kati ONI ya société civile. Oye banda ko connecter ONI na société civile po bato wana pe ba ya ka pona ba décision ya monde. Voilà. Ezali ba secret ebeli na koyi ko bimisa na net awate. Bokomona ONI azana besoin ya bato a société civile ba ya koloba par exemple sur la violence. ONI par exemple azana besoin ya bato 5 na monde bo pona par exemple mutu moko moko na continent moko moko. Mais bato oyo ba kolinga ko ya koloba na ONI bo tala kaka monde toza bato combien mutu nyonso akolinga kaka kele na ONI aya koloba ba che service oyo musala na yango. Batu ya monde soki batindi ba candidature ya koloba na ONI. ONI baza na besoin kaka ya 5. Bakotinda batu ba ONI ya kozwa ba candidature même par exemple 5000, 10000. Mais baza na besoin batu 5 kaka po ba ya koloba na likambo songolo. ONI ya kozwa ba candidature wana nyonso atindi yango epai na biso. Biso siko toponi dossier nini ONI aza na besoin ya batu 5. Bato ba pesi ba candidature. Candidat nini azali ko rempli ba critère ya ONI po aya koloba. Soki to poni ba candidat wana. Maintenant la question qu'on se pose, est-ce que bato oyo bazali ba individu ya mutu boye ou bien ezali ba association? Parce que l'ONI c'est difficile ba ndima individu. Il faut zala mutu lokola par exemple Mandela, il faut zala mutu lokola docteur Mukwege, il faut zala mutu lokola Dalai Lama. Il faut qu'on a battu ya ndenge wana na monde pour ONI a invité eux au Yakoloba. Mais si vous avez un simple citoyen qui n'a pas d'impact, ONI a quoi yamba yote yomoko. Il faut qu'on a une association. Alors, bakandatir wana soki yebisi to kotala, moto oyo a rempli critère, a outi na association ou bien yemoko individu. Association. Maintenant, association wana. Et quoi qu'on a la Asbel, et quoi qu'on a la ONG, et quoi qu'on a la n'importe quelle association. La question maintenant est pas na biso. Oyo ba benga kana ONI, security, clear, check. Qu'on nettoie ma kambwa sécurité. Bozui dossier ya ONG oyo bien Asbel oyo. Ezali Asbel ya mboka nini. Nazo kende un exemple sou parce que ba congolais ba comprendre kate ba to pari ko boyoka Tozo exemple ya apareko. Bolobi ezali asbel. Dossier par exemple eye na mesa ya oni. Biso apareko, tozali ko lité pour na maka libération ya Congo, tolingi ko ya koloba na oni. Maintenant l'ONI batindi dossier par exemple pa ina biso. Biso siko toko sala nini. Toko tala apareko ezali na stati nini asbel. OK. Apareko ezali ko opéré wapi chaise na bango ezali wapi na France. OK. Alors, est-ce que France a yebi apareko comme asbel? Ba asbel o ezali enregistré na France ezali. Alors, ONI to vérifier que pa yana. Boke ne ko vérifier bino mon côté boko kende na ambassade représentation diplomatique ya France na ONI. Botuni bango tozali na asbel moko kombo nango apareko. Botale la biso, bo confirmer biso, est-ce que bazali enregistré légalement na France? Est-ce que boyebi bango? Ambassade de France bakota la oui toyebi bango. Voilà. Est-ce que bazali na obligation ya ko déclarer ba impôt na fin de l'année? Mais beko ya France soke lobi ke no ba asbel bazali bakoyi ko déclarer ba impôté? Oui, mais est-ce que basala kaba déclaration na bango ya ba état financier na bango? C'est là le problème avec Apareko. Apareko ezali na statut na France, oui. Apareko ezali asbel, oui. Mais il faut qu'on yeba ba asbel même si na France, même si ba koyi ko déclarer ba impôt na bango te. Mais biloko nyo sauté o ezali exempté ba futate ou ba déclaré ba impoté na kati ya pareko bandeko ba yebi ya pareko bazolo ba yango ba lobaka yango monsieur Honoré Mbanda a vendu ses maisons par-ci par-là pour na fonctionnement ya pareko. Na mibeko oyo bandeko na biso ya pareko bazali ko yebisa bino ke non mibeko ya 1901 et lobi ke ba association ba asbel ko yiko ko déclarer ben poté et ko yiko fouté loko mokoté mibeko e lobi ndengo na mibeko e lobi teke ko présenter ko déclarer ben état financier na yote ba lobi bongoté et mibeko e lobi mbongo nini ya association na bino ya asbel na bino e koki kokota na considération ya makambo o ezali taxable te o ezali déclarable te e boyebi très bien na kati ya mibeko wana bokomona na kati soki ba mbongo na bino ezowuta na ba loyer oteki ndako ozali kozwa ba loyer vous utilisez ça na kati kuna ya asbel na bino vous devez déclarer ba impôt nango ba cotisation. Ça ne concerne pas. Loi ya fiscalité à France. Bande kwa pareko bazali ko souka kaka na loi ya 1901. Mais ba yebite ke ya une loi ya 2019. Pona état ya législation ya pardon ya fiscalité ya France. Ba souki kaka na loi et bazali ko souka kaka juste na titre nango les associations ba koyi ko futa ko déclarer ben impoté fini biso pariko tozali asbel to koyi ko futa te dit monsieur Mbanda a vendu ses maisons boye bakango bolo bakango et les documents que moi j'ai eu pour traiter les cas d'apareko to bondela soki ba koyi ko leka na oni po baloba la question de monsieur Mbanda de répondre mbongo na bino bo fonctionner nango e utaka wapi ba cotisation. J'ai vendu mes maisons. Bande quoi pareko, bo induisa ka patu na erreur te. Yango na so comparer bino avec l'IDPS. Boza ndenge moko. Monsieur Mbanda répondit, j'ai vendu mes maisons. Mi be kwango bozo tanga ngo ndenge nini. Na kene na logique na expliquer ce qui se passe non. Est-ce que association oyo asbel oyo ba futa ka taxe ou bien ba koyi ko futa taxe te? Il y a de certains pays ba futa ka taxe. Ba mboka msusu ba futa ka taxe te. mbongo na bango oyo bazali ko utiliser ya fonctionnement e utaka wapi. Voilà esika oni na bamboka mususu bazali ko lutter contre blanchissement d'argent, contre ba terroristes oyo bazali ko détruire monde. Nous luttons contre le terrorisme. Et vous savez très bien, les terroristes font passer l'argent par des asbels. On demande, la loi française demande, naba asbel nyon son la France, il faut au déclarer ba état financier nabino. Monsieur Eric Molalo l'a expliqué na chat na forum Oyo, le secrétaire, la secrétaire générale ya Parikwaza na kati. Bouche B, kakazo linga. Si yé kakaso ka moni batu ba fingi yombi a cliquer, like. So ka moni batu ba fingi a cliquer. Mais Eric Molalo a expliqué, elle n'a pas fait commentaire. Bande komi balé na forum wana. Ba vandi na France. Eric Molalo nan de komo sou wana. Ba keyi na sens ma ko se contredire moke. Mais so tali ba dire na bango, ba point commun ezali. Est-ce que lelo na jour ya lelo ndenge tozali awa ya un membre de la Parco peut brandir un document oyo gouvernement état ya fiscalité ya France ba pesa bango que oui récépissé yango yo vous avez déclaré ba état financier na bino chaque année depuis 2005 jusqu'à présent voilà ici kananga na ekoloba ke Asbel lokola apareko. Bakoki koya na oni koloba. A condition oni amona ba document na bango sur ba tax, ba futa sur ba impôt, ba futa te. Mais il faut ba déclarer yango na gouvernement français. Boko ko sala mbula 1000 boko leka na onite po boloba ndeko mususu ya pare ko aye ko bimalobi yo za ko loba makambo ya oni yo zo cha conference noni oni nde ba complice ya makambo bazo sala na Congo biso pare ko toza na besoin ya onite parce que oni eza ba complice aban oni eza li ba complice c'est vrai ce que vous dites na boya yango te. Mais aux alliés que le président de la Pareco na tangwa longwe Congo accueillait pas banane accueillait pas ma complicité il a été en France présidente aïa Pareco avant d'y na mboka d'Afrique avant en Afrique té avant d'y na France baza ba complicité secrétaire général ya Pareco avant d'y en Afrique avant en France ezan mboka ba complicité donc pour na bango ba complice ya oya oni ça va bango baza ba complice mais France est complicité et sika ba vandi vous comprenez logique ya bande konabiso démarche na ngai ezali démarche ya mabé contre apareko te sur ces points-ci. Ezali de marche ya ko salisa pareko. C'est là où ndeko oyo bandeko sololana monsieur Eric Molalo ayaki ko yebisa bata pareko mais bino nazo comprendre binote. Au lieu de saisir cette opportunité. Ce qui berre ezali bo corriger yango. Parce que eloko par exemple oyo monsieur Mbanda m'a cherché. Ezala ki pona visibilité au niveau international. Bata pareko ba komi lokola ba milouvor. Monsieur Mbanda lukaki ngayi pona visibilité au niveau international. Soka ye ba ki au niveau international wana bazali ba complice na malaire à Congo. Pourquoi il m'a cherché? Alukaki ngapona nini? Alukaki ngapona nini? Parce que oyebi ki au niveau international bazali ba complice na malaire na biso. Mais pourquoi olingi visibilité au niveau international? Congolais a saisi sa opportunité. Mais en revanche, et là on est nazo recevoir kofinga na ndenge moko ya kosakana te. les gens au Yobazali komi benga ba résistant. Mes chers amis, ce qui osali réellement un résistant, osali ko résister contre Massange à Félix, osali ko résister contre Kadioche à Félix, osali ko résister contre ba promesse ya Lukuta ko ko salemate à Félix, osali ko résister contre occupation. Mais il faut qu'on résiste contre Makamwana Nyonso même Pembe Ninayo, dans le Bakango à tout moment. Boutou Moui, Félix, Félix, Félix, Félix, Barouande, Kabila, Kabila, Kabila, Barouande. Mais na kati na bino, bozali ko sala Makambo Oyo, Félix, na Barouande, bozali ko sala. C'est presque la majorité, ya batu Oyo, ya Pariko, bazo ko promettre nga ba beta ngaï. Bato Félix va promettre à l'arrivée de l'arrivée. Va promettre à l'arrivée de l'arrivée. Il y a un chasse à l'arrivée. Bato Pariko peut bazo promettre. Il y a un France. Il y a un Paris. Il y a un Belgique. Il y a un Bruxelles. Il y a un monde qui est en train de se bêta. Beaucoup bêta. Pourquoi? Il y a une différence entre Binon et Milouvor. Il y a une différence. Les Milouvor sont violents. Binon peut aller violent. Le milouvor baza intolérant, bino pe bozali intolérant. Ba milouvor baza na kadiosha, bino pe bozali na kadiosha. Wapi différence entre bino? Wapi différence? Wapi différence? Donc cette histoire là, Il y a impôt, il y a association. Je pense que Ezali faut de bas ce qui bozali sérieux entre binon. Kokende kakate na Google au Vandi pe na France, ozui kaka titre ndenge ba komi, bokoyi ko futa te, mais bozomona ba exception, na kati ba loi wana, ba exception bazomona, ba komi, ba association, ba asbel, matière nini o Ezali imposable pour na bango, bazomona ba zapé, bazo zapé. Bazo zappé. Ba Monica ka isika ba komi, ba Asbel ba koyiko déclarer ba importer finish bazui. Biso to zali Asbel to ko futate. Pouvez-vous croire que lelo apareko azwa mbongo? C'est un exemple que je donne. Mbongo moko outi quelque part. Comme boza Asbel, boza na droit ko déclarer ba état financier na binoté. Tozwa par exemple 10 milliards de dollars na compte ya Pariko. A Pariko comme baza Asbel bako déclaré loko mokote na l'état. A Pariko azimbongo na pe a utilisé na ndenge na ye. Gouvernement français vendi ba talibino. Ce qui bo déclaré ka ba état financier na binoté. Mais amendez-vous bo déclaré. Ezali conseil boko yiko saisir. Olie ko yaka ko fingaka na ba mama ya batu bazate, vraiment c'est dégueulasse. Ndenge moko okomona argument moko te na mutu ya IDPS. Argument ya batu ya IDPS ya kaka jaloux, tribaliste, aîné, mpangistané. Yaka toko beta yo, yaka komona makamu toko sala yo. Et argument pe ya bata pareko, oyoka traître, rwandais, oyoko panza résistance. Ya yo respect aux morts. Argument mususu ezate. Argument mususu ezate. Tolobaki tozé là parce que na ye pona eloko wana les étudiants ba s'intéresser nango na zui en tout cas ba message à quelques étudiants qui m'ont demandé au niveau de l'ONI et les kakandenge nini au niveau de l'ONI ozala asbelo ozala une association nyonso wana ya Congo kutu je fais venir une maman ya est pour maman na zana est azonga na est na koyiko tanga kombo na ete. Ba photo ezali na kati ya assemblée générale ya ONI na kati ngana mama wana congolaise mais mama wana na tango to tozi dossier na ye tellement ezali ki dossier ya Congo ngana traité ki yango te les amis o ba traité ki yango o ya Niger ya benginga alors bien là mais non prof il y a candidature moko il y a une congolaise ça ah yo taliango là bien mona qui est congolaise na linga yiko na moni ango mais na linga yiko chaque commentaire c'est parce que je suis du Congo na tuni au moni dégaine là bien non non non elle est capable. Mais maintenant, il faut qu'on vérifie l'organisation. Na Congo, on a exigé na maman, association na ye, ba pesa biso ba état financier na bango, ba provenance ya ba mbongo ya utaka wapi, ba salaka na mbongo na ni. Elle a déposé tout. Et on y ba acté. Ce qu'on déclare à l'état financier na yote, on y a kondi mayo jamais. A kondi mayo jamais. Nana lâcher quelque chose, mais tous la kasiba kunda. Tous la vidéo nanga bakunda. Je connais plein d'histoires. Parce que à force y'a qu'on poussait bisoto loba makambo, et à côté d'un bilo comme soi ma baisale ma balandela, ba pareko balandela balandela balandela. Vous êtes humble, mes chers amis. Au fin de la bise, à mon côté. Présidente Nabino Okeke, connaît qui je suis. Ok, relax Sabino, message nanga mon côté que Nazo Lukaye, madame Nazo Lukaye, tout seul là. Jamais. A relax Sabino, à mon côté. Depuis na yebaye, na yebiye le loté, na yebiye les réseaux sociaux, na tikala jamais comme ça la inaction. Nga ina Luka, Kandido Okeke, tout seul là. C'est elle qui est venue vers moi. Mais je donne un bandeau pour que mon démarche n'en a mon côté. N'aïna l'oukaye. Famille biologique bazawana, famille politique bazawana. Mon côté avec brandir un jour, une seconde. Moi j'ai cherché M. Honoré Mbanda. Jamais. C'est lui qui m'a cherché. À maintes reprises d'ailleurs. Quand même, il faut dire respect. Il faut dire respect. Tu crois qu'on a une divergence, il y a ma cambo et belé. Mais pourquoi vous vous lancez dans une insulte, une injure? Et ce qui peut vous dire, mais pourquoi insulter ma mère? Pourquoi insulter ma famille? Pourquoi? Pourquoi? Gratuitement comme ça. Et vous vous dites, Bishop, à toi, résistance, résistance. La résistance n'existe pas. Non, vous poussez Bishop, tu m'as comme ça, tu m'as comme ça, tu m'as comme ça, tu m'as comme ça, tu parce que sur ma cambo, il y a un peu de choses qui vous allez contredire. Oui, c'est bien, il faut contredire. C'est ça, Batou, dans la société. Mais ce qui vous allez contredire, c'est une menace de mort. Ce qui vous allez contredire, c'est une il y a une famille qui est là. Il y a une famille même la vidéo. Ça va nous pousser. Tout ça va dossier. Vous allez voir. À part quoi, il y a un dans Boca France. Pardon. Boti Kabilo Kouza. Nazo Sengabino, pardon. Boti Kabilo Kouza. Je demande à Candide, na madame Marie Sylvie, faites attention. Bote ki sa ba mboa na bino, s'il vous plaît. Na yebi trop. Si peut-être il y a des choses où vous avez échappé dans le Boca France, mais nous on sait aider Bato, recadrer Bilokwana et vous allez la matata pour Nabino. Et vous allez la matata. Nous avons un document. Vous allez que vous 5e colonne, Nabino. Vous êtes Asbel, n'est-ce pas, na France? Vous êtes Asbel, na France. Asbel. Vous prenez l'argent. Na combo Asbel. Vous êtes dans la cinquième colonne. C'est ce que dit la loi française. Faites attention. Franchement, je vous dis, faites attention. Nous avons un PCB sous le mengoté. Donc, comme le collab Bill Gates, un PCB sous le mengoté. Mais, ma connaissance, et si quand bébé, ils allaient ceux qui t'ont découvert, ils ont yébi qui contacter, comment le faire pour nous éclabousser les gens. Je ne peux pas admettre que des gens viennent nous insulter, problèmes athées, dans le monde où ceux qui ont bimé déjà aux autres, ils ne peuvent pas insulter. Mais je ne peux pas dire, toi, au Keke, là, aux Aliwana, Marie-Sylvie, aux Aliwana, les gens viennent insulter ma mère. Yo, aux Aliwana, aux Aliko, likez. Madame, je peux vous éclabousser ici, comme vous allez. Taba. Mes chers amis, tous ali bandeko, tout kende nan dengi moko ya bien. To kabwani, oui, c'est vrai. Na monike, na zali vraiment, na sikate, et pas na bino. Je me suis retiré. Alors, point commun entre bino nangai et zali Congo. Et zali Congo. Alors, ce qu'on a constaté, c'est un mensonge pour le Congo ou les Ali, dénominé comme un abisso. J'ai le droit d'intervenir. Bino peso bo moni, et loko na zolo ba pour le Congo, vous êtes d'accord, nangote, vous avez le droit d'intervenir. Mais vous n'avez aucun droit de consulter ngai. Vous avez le droit de tika ba chaîne à bino ba insulter ngai. Parce que moi, je n'ai pas le temps pour le bango. À force de le pousser de faire ça, moi je vais m'attaquer à vous. Je commence d'abord à passer ta parico. Je vais faire éclabousser à vous. Je vais faire la capacité. Parce que je connais les dossiers. Je vais flasher binoka à la cinquième colonne. Vous avez Asbel, n'est-ce pas? Et je vais faire un bateau à parico. Je vais faire un contacté. Que non, pourquoi aux olobe la pareko, nazo mona binote. Parce que ce qui bolobi que bisoto zoze la bakunda, mais non, les gens de la pareko bazo bima bazoloba. Monsieur Zaki est toujours na sur le net, azoloba. Ba communiquer tous au mona yango. Alors, ce qui bomoni que c'est la pareko qui insulte les gens, ba mama ya bato. Vous gardez silence, wana pona ko répondre, ko recadrer bango, il faut attendre qu'on enterre monsieur Mbanda. Mais pona makamususu bozo sala ngo, ba réunion ba nomination bozo sala, ba réunion à réconciliation bozo sala, ba réunion ya ba poste bozo sala, ba vidéo bozo sala. Alors nous quand on nous insulte, tozo ya poto toza quand même na vie à protéger, il y a une vie à protéger. Vous nous suivez, n'a cessé, kolobate, apareko, kolobate, kolobate. Non, non, non, non. Stratégie, wana na zoli na yangote. Alors, ce qui bolini to kende na façon wana, toko kende, et je vous dirai, ngane naza awa, je suis propre. Je suis propre. Na lia un centime yabato na kongote. Na mona makila ya mutu moko na kongote. Passé na nga ezali très propre. Présent na nga ezali ya béton. Futur na nga ezali compromettre. Je ne vois pas bino ndenge bovandi na bino nyonso kobanda ayi na bino ti moto asuka, vous allez compromettre la vie de yombi na quoi? Boza na dossier moko te ya sale ya yombi. Je n'ai jamais maboko nanga meme no pas de, le sang congolais exact eza na ba sang ya batu na monde exact natif nanga ezali aide ya batu aide kwede batu kwede batu kwede batu kwede batu. Mais à Paris, quand vous commettez dans le miroir, tout compte dans le dossier. Je connais beaucoup de choses. Je connais beaucoup de choses. Vous allez quoi aider Bino. Ceux qui vont déclarer un état financier dans Binoté, vous ne pouvez déclarer. C'est ça la vie, la société. Les kambou yomu, nous t'apparu ko koyiko loba. Nga na koyiko yokango, et koyiko za leçon pour nangay. Ah, les kambou lobi wana, na sa ila kango te. Tika rapide ma na sa ila ngo. Donc, bino chez vous la yato la, ba loba te. Bakunda. Bakunda. Je suis propre. Naza très très na donc le col à côté mon centre c'est il concerne les Congo. Ezala ba koko nanga, ezala ba parananga. Propre pour na Congo. Passé propre. Présent. Evanda. Présent Evanda. Futur. Mais on peut extrapoler. Passé propre, présent et vanda. Alors, vous extrapolez le futur. Kobanda bakoko na gati na souka. Moutou moko aza na makila ya bakongole azati. Moutou moko te aleka directement ou indirectement. Azati, propre. Tolo be la propriété. Nabiso, ba homme politique, ya Congo. Vous voulez? Tolo be la propriété. Alors, demandez na batuna bino parce que ba komi sikoyo soki ba sali ba lobi et loko bazo insulter monsieur Yombi, ba taguer monsieur Yombi na insulte wana. Et vous allez voir Candide là, elle like. Vous allez voir Marie Sylvie là, elle like. Mais vous me taguez pourquoi? Soki moni batuna bino bazo sala makambo wana. Pour ne pas insulter ngai, bo tagé ngati, ceux qui ba tagé ngai, bo senga bango ba longola, nga na kaka tag. Mais pourquoi vous me taguez? Donc, mes chers amis, merci beaucoup. Na yaki juste pour na sala mise au point wana. Et je vous dis, ceux qui osali Asbel association na yo. Keba, bambongo ozali kozwa, ezali kowuta wapi. Ba présenter biso statut ya Pareco, ba présenter biso projet de société ya Pareco de 2005. De 2005, donc ça fait pratiquement 16 ans, lelo, 16 ans. Na ba métamorphose oyo, touboyi ya moté. Na ba lakisi biso numéro compte bancaire ya Pareco te na banque, au nom de qui? Na kombo ya nani? Et soki bozali Asbel. Pourquoi mbongo e wuti awa? Kote wuti flou. Et si ka bovandi l'état e biangoti. Vous prenez cet argent. Vous tindi 5e colonne. 5e colonne les abanani. Est-ce que l'état français autorise bozo mbongo andengo na botindi na 5e colonne? Nazan a droit. Y a comme défendre. Parce que ba insulte, ba injure. Gratuit boye l'équipe belé. J'ai les droits. Merci. Nabandeko balandibiso. Bokabula yango. Tokoya. Tozoze la bakunda monsieur Honoré Manda pe à son âme. Boye ba kosa la différence entre Apareko et l'esprit Manda, monsieur Mbanda. Monsieur Mbanda appartient à sa famille. L'esprit Mbanda appartient aux Congolais. Moutoune soit lingi à joie, l'esprit en a besoin yango. Et puis la Pareco, c'est une histoire privée entre M. Mbanda et ses amis. C'est tout. Boye ba kosa la différence wana. Alors, ce qui vous allez koya ko finga ngai ke na jwe mo limo na bino. Non, ko yiko jwa mo limo ya M. Mbanda te. Alors, bolingi na zong se la bino mo limo na bino. Na zong se la bino mo limo na bino. Mwana yip sa la bino jwe, na zana mo limo ki mbango d'abord. Avant ko landa Mbanda. Moi, je n'ai pas commencé à coliter pour la Congo, pour la Mbanda. J'ai commencé en 2003. J'ai commencé en 2003. Ce n'est pas Mbanda qui m'a poussé pour aller au Congo. Radio Bosomi Ezali Kuna, Bolanda Kango, Maman Mimi Azali, à quoi vous témoignez, Bino. Maman Mimi Akoye Sabino qui a abandonné pour inviter pour la Monsieur Mbanda, pour l'esprit Mbanda. Jamais. Mbanda aussi était surpris à Yoka Moutazolo va partir à Corée. Moutazolo va partir à Corée. Il était surpris. Nganazala déjà un esprit qui mbango, banda na bota ma esprit qui mbango ezali. Mes amis, oh ba yebi ngana bo mwana ba yebi comment je suis. Batu ba yebi nga, ba yebi, bamba mi nanga ya université, ba mi nanga école primaire, ba mi bande ko nanga ya village moko même si erreur j'avais 13 ans. Ba yebi ndenge ni nazali. Nazali nazala un esprit qui mbango banda kala. Pour lutter pour le Congo, il y a un esprit de Mbanda. Si vous avez un esprit de Mbanda, vous avez un esprit de Mbanda. Vous avez un esprit de Mbanda. Mais qui Mbango dans moi, vous avez un esprit de Mbanda. Qui Mbango dans moi, vous avez un esprit de Mbanda. Il n'y a jamais, motomoko, même la famille biologique, qui Simon Kimbango. Il y a un esprit de Mbanda qui est mon lit, mon esprit de Mbanda. Jamais. Jamais. Bon raisonner, il faut raisonner. Alors, continuez à pousser Batunabino, ba insulter, vous allez voir qu'est-ce qui va se passer. N'ayez besoin d'un mouvement à quoi éclabousser nga zati. Parce qu'il n'y a rien au bout utilisé pour éclabousser nga. Il n'y a rien, il n'y en a pas propre. Bakunda Tozela. Tozela Bakunda donc. On va voir. Merci beaucoup. Et merci pour nous avoir la vidéo na biso. Molimo esprit Mbanda to suspendre ango d'abord parce que bazo réclamer ya mokolo baté zongisa esprit. zongisa esprit na biso. Oh. Ezali esprit Mbanda, c'est pas à vous. Esa ya biloté, esa pareko te, c'est l'esprit Mbanda différent na pareko. Alors ce qui peut besoin réclamer un mot propre, mais ça, tu as besoin que c'est la bino en haut. Tu as besoin que c'est la bino en haut. L'esprit Mbanda, ils allaient sous ensemble, dans ensemble, esprit Kimbango. Vous comprenez? Donc, vous pouvez me retirer l'esprit Mbanda, mais dans moi, ensemble, Mobimba, esprit Kimbango, ils allaient. Donc, à tout, nous, ils allaient, n'a qu'à te pour la qualité, pour l'emboc à la naïve. Alors, vous allez vous vanter esprit na biso pesa kolobe l'esprit na biso te ngala zala dire l'esprit wana ah bonobe la yumbite bozo fula ye na fula makala kala kote kote na fula ma bino kote bovandi entre bino les amis ya mboka moko bozolia ba kwanga bozomi la masanga bolia ba safu bolia ba bambua bozolia ba nini entre bino c'est rare bomo na muta fula ma menga na fula ma na mboka oyo mutu mwindu kuto azate na kati na fula makala. Alors, si na ebisa kabino ke nazala dragon rouge bokanza na sala blague. Tranquillisez-vous. Tozela Bakunda. Tozela Bakunda. Merci beaucoup mes chers amis et au revoir. Tozali kozonga lelo yango tolobi to ya kosala na mise au point wana et on va se revoir peut-être vers la fin de la semaine. Alors, merci, bozala malamu et panabino. Bayombisme, bozala makasi, que l'esprit Kimbango est la tabino, ou bazaïl, l'esprit ya Yesu Christ est la tabino, esprit ya banzambe na biso nyon est la tabino. Donc, on a besoin vraiment ya spiritualité wana, pour na ko lutter contre biloko. Alors, natango zali ko zwa, moi nzete na yo, okende ko bamba drago rouge. Il faut voir d'abord Dragon Rouge Azanani. Parce que, au Sazardé, moi, j'étais dans le mot, on attend que vous voyez là, Merci et au revoir.